Ça fait maintenant trop longtemps qu'il survole des histoires d'amour. Il pilote bien maintenant. Il veut être commandant pour toujours. Mais un beau jour, dans une soirée, il rencontre sa bien-aimée. Il lui fait trois beaux enfants, Alex, Maggie et Roland. Voilà, c'est la fin. Mais pour vous récompenser, vous pouvez trouver en plage 36 mon premier enregistrement studio.